du désespoir et du sang. Gilbert, Bobby, Gilbert, Bobby, Gilbert, Gilbert, Bobby, le combat de tous les temps, attention, vers le choc des titans. Le tic-tac infernal retentit, ça fait mal, tic-tac, tic-tac, le hamster fait la malle, tic-tac, tic-tac, choisis ta couleur, n'aie pas peur, c'est pas toi qui meurs, rouge ou vert, de toute façon tu pleures. Qu'est-ce qui se passe, man, t'as perdu 40 points, moins 30 places à ton compteur, ça fait mal à la tête, ça fait mal à ton cœur, hyper lenti à elle, c'est vraiment cruel. Tu perds tes points à la pelle. C'était Hyperion et Tyrael. Pour vous les petits du Chapalambre.